إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui avec le cours numéro 4 dans l'explication du résumé de, du sharh du kitab al-tawhid. Avec le sharh al-mulakhas fi sharh kitab al-tawhid du Cheikh Saleh al-Fawzan. Donc c'est un résumé de kitab al-tawhid, du sharh de kitab al-tawhid. Et donc aujourd'hui on est encore dans le deuxième chapitre. Et on explique maintenant le hadith qui est rapporté selon Abi Saïd al-Khudri. Le chapitre qu'on est en train d'étudier en ce moment, c'est le chapitre Fadl al-Tawhid wa ma yukaffiru min al-dhunub. Le mérite du Tawhid et ce qu'il expie comme péché. Donc il y a dans ce chapitre un hadith qui est rapporté par Abi Saïd al-Khudri. Et dans ce hadith, il dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala Musa ya rab allimni shay'an adhkuruka wa ad'uka bih qala qul ya Musa la ilaha illa Allah qala ya rab kullu 'ibadika yaquluna hadha qala ya Musa law anna as-samawati as-sab' wa 'amirahunna ghayri والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله رواه ابن حبان والحاكم وصححه. Donc ça c'est rapporté selon Abi Saïd al-Khudri رضي الله عنه que le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم a dit que Moïse a dit ô Seigneur, ya Rab, apprends-moi une parole par laquelle je pourrais yani me souvenir de toi et t'invoquer, par laquelle je vais pouvoir faire ton rappel et en même temps je pourrais t'invoquer avec cette parole. Et Allah subhanahu wa ta'ala a répondu, dit dans ce cas, dit Moussa, dit ô Moussa, rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, c'est-à-dire la ilaha illallah. Alors Moussa alayhi salam a répondu ô mon Seigneur, ya Rab, tous tes serviteurs disent cela, c'est-à-dire tous tes serviteurs disent cette parole. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala a répondu, ô Moïse, ô Ya Moussa, si les sept cieux et tout ce qui est vivant dedans, autre que moi, de même que les sept terres étaient sur une à chaque fois j'oublie le mot qu'on utilise pour ça. En tout cas, c'est si on mettait les sept cieux et les sept terres et ce qu'il y a dedans et on le mettait sur un côté de la balance et qu'on mettait sur l'autre côté la ilaha illallah, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala dit que la ilaha illallah pencherait, le côté de la balance où il y a la ilaha illallah, il serait plus lourd que le côté où il y a les sept cieux et les sept terres et tout ce qui est dedans. Et ça c'est rapporté par Ibn Hibban et Al-Hakim l'a authentifié. Toutefois, le hadith la chaîne du hadith elle est daif. La chaîne de rapporteur dans ce hadith elle est daif. Toutefois, la fin, là où il y a la mention que Allah subhanahu wa ta'ala a dit, si les sept cieux et les sept terres étaient d'un côté de la balance et la ilaha illallah était de l'autre côté de la balance, alors la ilaha illallah serait plus lourd ou pèserait plus que tout ce qui est de l'autre côté. Donc cette partie-là, elle est authentique à cause des autres narrations qui supportent cette signification-là et cette narration-là. Donc le hadith, il est rapporté avec une chaîne qui est faible, et Cheikh Al-Albani l'a déclaré daif dans Daif Mawarid al-Zam'an. C'est le hadith 192 dans ce livre-là, donc il a été déclaré daif. Mais comme j'ai mentionné, la fin de ce hadith, elle a des parties qui sont rapportées dans d'autres hadiths qui témoignent donc de son authenticité. Donc la partie qui est utilisée par le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab pour justement supporter justement qu'est-ce qu'il voulait montrer comme bienfait et comme mérite du tawhid, cette partie-là elle est authentique. Donc le cheikh Al-Fawzan il explique maintenant, il dit وأبو سعيد الخدري رضي الله عنه هو أبو سعيد الخدري سعد ابن مالك سعد ابن مالك ابن سنان الخزرجي الأنصاري الخدري نسبة إلى بني خضرة صحابي جليل وابن صحابي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة مات سنة 74 هجريا. Donc c'est Abu Sa'id al-Khudri, son nom c'est Sa'd ibn Malik, Sa'd ibn Malik ibn Sinan al-Khazraji al-Ansari al-Khudri. On l'appelle al-Khudri parce que il est de Bani Khadra. C'est un noble sahabi et il est également fils d'un sahabi. Il est le fils, son père également était un sahabi, et il rapporte de nombreux hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il est mort en l'an 74 Hijri. Ensuite le cheikh il dit, donc il explique les termes qui sont mentionnés dans le hadith. Moussa wa huwa Moussa ibn Imran Rasulullah ila bani Israël wa kalimur Rahman. Donc Moussa, c'est Moussa, le fils d'Imran, le messager d'Allah qui a été envoyé à Bani Israël. Et il est également celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala s'est adressé. On l'appelle Kalimullah, ou bien Kalimur Rahman, c'est-à-dire celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a parlé. Azkuruka, yani usni alayka wa ahmaduka bihi. Yani azkuruka, c'est-à-dire par lequel je vais pouvoir une parole, Moussa a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala, enseigne-moi une parole par laquelle je vais pouvoir faire ton rappel, c'est-à-dire je vais pouvoir faire ton éloge, hein, et je vais pouvoir te glorifier par celle-ci. C'est-à-dire une parole par laquelle je vais pouvoir faire ton éloge et te glorifier. Wa ad'uka bihi, yani atawassalu bihi ilayka idha da'awtuka. C'est-à-dire une parole par laquelle je vais pouvoir me rapprocher à toi, une parole qui sera un moyen pour me rapprocher à toi, yani lorsque je vais t'invoquer. Donc je vais pouvoir, une parole par laquelle je vais pouvoir faire le tawassul, hein, et utiliser cette parole-là comme un moyen pour me rapprocher à toi lorsque je t'invoque. Hein, donc ça fait partie, yani, de qu'est-ce qu'on appelle le tawassul, c'est-à-dire le tawassul qui est en accord avec la sharia lorsqu'on fait le tawassul par un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, donc comme par exemple la ilaha illallah. Donc il dit wa ad'uka bihi yaquluna hada, donc cette parole que Moussa a demandé, c'est la ilaha, c'est Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit de dire la ilaha illallah, c'est-à-dire rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Et Moussa a.s. a répondu, yani, tous tes serviteurs disent cette parole, c'est-à-dire « Ey hadhihi al-kalima », tous tes serviteurs disent « La ilaha illallah ». Et ensuite, dans le hadith, il y a un passage où Allah subhanahu wa ta'ala, il répond justement, il dit, si tous les sept cieux, et qu'est-ce qui est vivant dedans? Et il dit, غيري, من فيهن من العمار غير الله. Il y a tout ce qui est vivant dans les sept cieux, autre que Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça qui est mentionné donc à ce sujet-là quand il dit عامرهن غيري من فيهن من العمار غير الله. C'est-à-dire tout ce qui est vivant dans les sept cieux autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Fi kiffa. C'est-à-dire dans un côté de la balance. أي لو وضعت هذه المخلوقات في كفة من كفتي الميزان ووضعت هذه الكلمة في الكفة الأخرى مالت بهن أي رجحت عليهن. Donc c'est ça. Si on mettait toutes ces créatures dans un côté de la balance et qu'on mettait la ilaha illallah de l'autre côté, eh bien, yani, le côté où il y a la ilaha illallah pencherait. Donc il serait plus lourd que l'autre côté. والمعنى الإجمالي للحديث أن موسى عليه السلام طلب من ربه عز وجل أن يعلمه ذكرا يثني عليه به ويتوسل إليه به فأرشده الله أن يقول لا إله إلا الله فأدرك موسى أن هذه الكلمة كثير ذكرها على ألسنة الخلق وهو إنما يريد أن يخصه بذكر يمتاز به عن غيره فبين الله له عظم فضل هذا الذكر الذي أرشده إليه وأنه لا شيء يعادله في الفضل. Donc le cheikh explique que la signification générale de ce hadith, c'est que Moussa alayhi salam a demandé à son Seigneur de lui enseigner une parole, un rappel par laquelle il va pouvoir faire l'éloge de son Seigneur et l'utiliser comme un moyen pour se rapprocher à lui dans ses doigts. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a indiqué de dire La ilaha illallah, c'est-à-dire rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Donc Moussa alayhi salam a compris que cette parole est répétée par plusieurs d'entre les créatures. Et lui, il voulait une parole spécifique à lui par laquelle il allait pouvoir se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala et faire des du'as et qui allait être spécifique ou particulière à lui, hein, qui allait être différente de ce que les autres personnes mentionnent. Et à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala lui a montré ou lui a expliqué, clarifié la grandeur du mérite de ce dhikr, hein, auquel il lui a yani, c'est-à-dire de la grandeur et le mérite de ce dhikr qui lui a indiqué, et qu'il n'y a rien qui peut être équivalent à ce dhikr en mérite. Donc c'est le plus grand dhikr que quelqu'un peut faire. Le cheikh il explique ensuite munasabatu al-hadith lil-bab أن فيه بيان فضل كلمة التوحيد وأنه لا شيء يعادله في الفضيلة. Donc la raison pour laquelle ce hadith est mentionné dans ce chapitre, c'est pour expliquer le mérite de la parole du tawhid et qu'il n'y a rien qui lui est équivalent en mérite. Et ensuite, qu'est-ce qu'on peut extraire de ce hadith comme bienfait? Le cheikh explique, il dit ما يستفاد من الحديث أولا عظم فضل لا إله إلا الله لما تتضمن أو لما تتضمنه من التوحيد والإخلاص. Le premier point, c'est la grandeur du mérite de la ilaha illallah à cause de ce qu'il comprend comme, ou de ce qu'il implique comme tawhid et comme ikhlas, comme pureté et comme unification d'Allah subhanahu wa ta'ala. Thaniyan, fadl Moussa alayhi salam wa hirsuhu ala taqarrub ila Allah. Le mérite de Moïse et son désir ardent de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. ثالثا أن العبادة لا تكون إلا بما شرعه الله وليس للإنسان أن يبتدع فيها من عند نفسه لأن موسى طلب من ربه أن يعلمه ما يذكره به. Troisième point, que l'adoration ne doit être que parce que Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré et a révélé comme révélation. C'est-à-dire on ne peut adorer Allah que parce que Allah a légiféré et révélé dans sa révélation. Et l'homme n'a pas le droit d'inventer ou d'innover des choses de lui-même dans l'adoration d'Allah. Et donc on voit que yani ici, Moussa alayhi salam, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala, son Seigneur, de lui enseigner une parole par laquelle il va pouvoir faire son rappel. Et ça, c'est une preuve justement à ce sujet-là, dans le sens que Moussa alayhi salam, il ne veut pas inventer une adoration ou un dhikr de lui-même. Il préfère se baser sur la révélation et retourner à ce que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala de la meilleure manière. Rabi'an, anna mashtaddat al-haja wa daruratu ilayhi kana akthar wujudan لأن لا إله إلا الله لما كان العالم مضطرا إليها كانت أكثر الأذكار وجودا وأيسرها حصولا. Donc le cheikh explique, il dit, lorsque quelque chose est un yani, le besoin d'une chose est très grand, hein, lorsque le besoin d'une chose est très grand et que la nécessité de cette chose là est très grande, alors elle est plus présente, on va la retrouver plus que d'autres choses, hein? Lorsque quelque chose, les gens en ont plus besoin que d'autres, eh bien on remarque que les gens que cette chose là on va la retrouver plus que qu'est-ce qu'on en retrouve par rapport à d'autres choses. C'est-à-dire on va retrouver cette chose là plus facilement, ou bien on va la trouver plus présente. Yani. Et il dit que, à cause de ça, on retrouve beaucoup la ilaha illallah. Étant donné que le monde, les hommes ont une nécessité par rapport à cette parole, ils ont besoin de cette parole. Et c'est pour cette raison-là qu'on retrouve le plus dans le monde cette forme de zikr, et qu'elle est plus facile à retrouver. Donc ça, c'est par rapport au fait que yani, Moussa alayhi salam a dit, mais tous tes serviteurs disent cette parole, la parole de la ilaha illallah. Ensuite le shaykh il mentionne comme point numéro 5, anna allaha fawqa samawat li qawlihi wa amirahunna ghayri. Donc la preuve que Allah subhanahu wa ta'ala et au-dessus des cieux. Dans la parole, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit wa amirahunna, c'est un hadith qudsi ici, ou bien il y a Allah subhanahu wa ta'ala qui mentionne ces paroles. Donc il parle à Moussa, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui s'adresse à Moussa. Il dit, si tous les sept cieux et ce qui est dedans, et ce qui est vivant dedans, autre que moi. Donc ici le cheikh il mentionne que ça, c'est une preuve que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus des cieux, puisqu'il dit tout ce qui est dedans, tout ce qui est dans les cieux, sauf moi. Donc tout ce qui est vivant dans les cieux sauf moi, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il est au-dessus des cieux, il n'est pas mélangé avec les cieux. Sadisan, annahu la budda min al-dhikr bi hadhihi al-kalima min al-talaffuz biha kulliha wa la yuqtasaru على لفظ الجلالة الله كما يفعله بعض الجهال. Le point numéro 6, le cheikh explique que cette parole, il faut la prononcer. La ilaha illallah, il faut la prononcer en entier quand on la mentionne. La ilaha illallah, rien ne mérite d'être adoré excepté Allah subhanahu wa ta'ala. On ne va pas se limiter juste à prononcer le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala tout seul, comme le font certains ignorants. Hein, parmi les soufis, on sait qu'il y en a qui font le zikr en mentionnant uniquement le nom Allah, Allah, Allah, Allah. Donc, hein, ils s'assoient comme ça en groupe ou seul, et ils commencent à mentionner le nom Allah, Allah, Allah, comme ça des centaines de fois. Et puis, parfois, ils le font avec la musique et avec des mouvements en plus. Hein, comme ils le font dans leur cercle soufi. Et ça, on sait que ce sont des bid'ahs, ce sont des innovations. Et le pire là-dedans, c'est qu'ils disent que, ou qu'ils pensent que, de faire le dhikr en mentionnant uniquement le nom Allah, comme ça, ils pensent que ça c'est meilleur que le dhikr La ilaha illallah. Ils pensent que c'est meilleur que de dire La ilaha illallah. Et bien entendu, c'est de l'ignorance. C'est de l'ignorance, et jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam ni les sahaba n'ont utilisé ce genre de dhikr, de mentionner uniquement un nom d'Allah seulement tout seul, comme ça, et de le répéter sans rien demander à Allah subhanahu wa ta'ala, ou sans rien rajouter avec, comme par exemple de dire la ilaha illallah, ou bien de dire alhamdulillah, ou de dire subhanallah. Ça c'est un dhikr, mais juste de mentionner le nom d'Allah comme ça, Allah, Allah, Allah, ça c'est pas un dhikr. Hein? Ou bien de juste dire par exemple hu, hu, hu, hu, hein? De dire juste hu, hu, le pronom, hein, la troisième personne du singulier, il le répète comme ça, et il pense que ça c'est le dhikr des khawas. Hein? Ils disent que ça c'est le dhikr des élites. Le dhikr du commun des musulmans, c'est de dire La ilaha illallah. Ça c'est pour les gens ordinaires. Mais pour les gens qui sont arrivés à un niveau plus élevé, pour eux les soufis, ça c'est le dhikr des élites. Hein, quand ils disent hu, hu, hu, ou bien Allah, Allah, ou bien hey, hey. Donc ils répètent ça comme ça pendant des centaines de fois en groupe. Ils pensent que ça c'est pour les élites seulement. Donc on voit comment ils ont renversé les choses à l'envers. Le cheikh, il dit ensuite, comme point numéro 7, « Isbatu mizan al-a'mal wa annahu haqq » C'est-à-dire, le septième point, c'est d'affirmer que il y a des balances qui vont peser les actions et les œuvres des hommes, et que ça, c'est une réalité. C'est quelque chose qui est véridique. Le point numéro 8, « Thaminan »« An al-anbiya » يحتاجون الى التنبيه على فضل لا اله الا الله. Le point numéro 8, le cheikh Al-Fawzan il dit que les prophètes ont besoin qu'on leur mentionne le mérite de la ilaha illallah. Et le point numéro 9, ان الاراضين سبع كالسماوات. Le point numéro 9, c'est que les cieux sont du nombre de 7. Pardon, les terres sont du nombre de 7 comme les cieux. Donc les 7, il y a 7 cieux et il y a 7 terres. Ensuite, le cheikh, il mentionne l'autre hadith qui est rapporté dans le chapitre. C'est le hadith rapporté par Tirmidhi selon Anas ibn Malik. Il dit « Walid Tirmidhi wa hassanahu an Anasin radiyallahu anhu sami'tu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yaqul » قال تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة. C'est-à-dire que l'imam al-Tirmidhi a rapporté le hadith sur Anas ibn Malik رضي الله عنه dans lequel il dit يعني que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit que Allah subhanahu wa ta'ala a dit ô fils d'Adam, si tu me viens avec yani, la quantité de péché équivalente à la terre, c'est-à-dire tu as fait la quantité de péché équivalente à la grosseur de la terre, puis que tu viens vers moi sans rien associer avec moi, alors je te ramènerai l'équivalent en pardon. Je te ramènerai une quantité équivalente ou une portion équivalente de pardon. Donc, ce hadith, il est rapporté par At-Tirmidhi et il est déclaré Hassan Lighayri. Et Cheikh Al-Albani, il le mentionne dans Silsilat al-Ahadith al-Sahiha, le numéro 127. Le numéro 127. C'est un hadith Qudsi. C'est un hadith Qudsi, c'est-à-dire c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui parle. Et c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui mentionne ces paroles. Donc il dit ici, le cheikh Al-Fawzan il dit, « Wa Anas, wa huwa Anas ibn Malik, ibn Nadr, الأنصاري الخزرجي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم خدمه 10 سنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أكثر ماله وولده وأدخله الجنة مات سنة 92 وقيل 93 هجريا وجاوز 100. Donc ce hadith il est rapporté sur Anas ibn Malik ibn Nadr al-Ansari al-Khazraji. Il était le serviteur du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et il a travaillé pour lui comme servant pendant 10 ans. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, le prophète a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala pour lui. Il a dit: ô Allah, augmente le nombre de ses biens, de ses enfants, et fais-le rentrer au paradis. Donc il a eu de nombreux enfants, et il a eu de grandes richesses également. Et il est mort en l'an 92 Hijri, ou certains ont dit parfois 93 Hijri. Il avait plus que 100 ans lorsqu'il est mort. Et il dit ensuite le cheikh, « Walid Tirmidhi wa Hassana » أي روى الترمذي في سننه الحديث المذكور وحسن إسناده. Donc c'est un hadith qui est rapporté par le Tirmidhi dans son Sunan et il est rapporté par une isnad qu'il a déclaré comme étant hasan, c'est-à-dire comme étant bonne. Et ensuite il dit وقراب يعني بضم القاف وقيل بكسرها والضم أشهر وهو ملؤها أو ما يقارب ملؤها. C'est-à-dire القراب c'est rapporté parfois avec un qaf, sur le qaf il y a parfois une dhamma et parfois il y a une kasra. On peut le dire avec la dhamma qurab et certains parfois ils disent qirab avec le kasra en dessous. Et le plus célèbre, c'est celui avec le dhamm, c'est-à-dire de dire qurab. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la quantité remplie. C'est comme si tu dis qurab al-ard, c'est-à-dire la terre entière remplie de péché. C'est la quantité équivalente à la terre entière remplie. Et ça veut dire comme pleine, en fait, c'est ça que ça veut dire. Et il explique ensuite ثُمَّ لَقِيْتَنِي لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا. Donc si tu me viens avec une quantité de péché équivalente à la terre pleine de péché et que tu me viens sans avoir commis de shirk, sans avoir fait de shirk avec moi, أي ثُمَّ مُتَّ حَالَ كَوْنِكَ سَالِمًا مِنَ الشِّرْكِ وَهَذَا شَرْطٌ فِي الْوَعْدِ بِحُصُولِ الْمَغْفِرَةِ. Donc il dit, puis tu me viens, c'est-à-dire tu meurs sans avoir commis de shirk, t'as été exempté, c'est-à-dire dans ta vie tu n'as pas fait aucune forme de shirk, tu es mort sur le tawhid, t'es pas mort en commettant du shirk. Donc ça c'est la condition pour que le pardon soit accordé et pour que la personne reçoive ce pardon. Donc on voit l'importance ici du tawhid. Il dit al-maghfira, donc maghfira c'est al-ghafru, min al-ghafr. Lughatan al-sitr wa shar'an tajawuzullahu an khataya wa dhunubi ibadihi. Al-maghfira, ça vient d'un mot qui signifie de recouvrir. Ça c'est dans la langue arabe, de couvrir ou de cacher. Et dans la sharia, ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala, passe par-dessus les erreurs et les péchés de ses serviteurs. Il les recouvre pour eux et il leur pardonne. Donc, al-ghufran, al-maghfira, ça vient de ça. Ça vient de cette origine-là dans la langue et c'est cette signification-là que ça a dans la religion. Al-ma'na al-ijmali lil-hadith. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل أنه يخاطب عباده ويبين لهم سعة فضله ورحمته وأنه يغفر الذنوب مهما كثرت ما دامت دون الشرك وهذا الحديث مثل قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Donc le cheikh explique que la signification de ce hadith en général, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe de la part de son Seigneur qu'il s'adresse le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe de son Seigneur qu'il s'adresse à ses serviteurs. Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à son serviteur. Il lui explique, il lui montre la grandeur de sa grâce, la grandeur de sa miséricorde, et qu'il pardonne tous les péchés, peu importe leur quantité. Alhamdulillah. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne tous les péchés, peu importe leur quantité, tant que ces péchés-là n'ont pas atteint le degré du shirk akbar, du shirk. Et ce hadith-là, il est comparable à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit « Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna thalika liman yasha » C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas qu'on fasse le shirk avec lui, mais il pardonne à qui il veut tout autre péché. C'est-à-dire tout autre péché que le shirk. Munasabatul hadith lil bab. أن فيه دليلا على كثرة ثواب التوحيد وأنه يكفر الذنوب مهما كثرت. Pourquoi ce hadith est mentionné dans le chapitre en question? C'est parce que dans ce hadith il y a la preuve de la grande récompense et des nombreuses récompenses du tawhid, et que c'est quelque chose qui efface les péchés, peu importe leur nombre. ما يستفاد من الحديث أولا فضل التوحيد وكثرة ثوابه. Donc, qu'est-ce qu'on peut tirer de ce hadith? Premièrement, le mérite du tawhid et la quantité des récompenses qui sont reliées au tawhid. ثانيا سعة فضل الله ووجوده سعة فضل الله وجوده وجوده ورحمته وعفوه. Il dit comme deuxième point la largesse de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et de sa générosité, de sa miséricorde et de son pardon, de sa clémence. Donc ça c'est des preuves qu'on peut tirer de ce hadith-là, des choses bénéfiques qu'on peut tirer de ce hadith. ثالثا الرد على الخوارج الذين يكفرون مرتكب الكبيرة التي هي دون الشرك. Le point numéro 3 qu'on peut comprendre de ce hadith, c'est la réponse ou la réfutation des khawarij qui font le takfir des musulmans qui ont commis des grands péchés, qui sont moindres que le shirk. Donc on a la réponse, on a la réfutation des khawarij dans ce hadith-là, puisqu'on voit que Allah subhanahu wa ta'ala pardonne tous les péchés s'ils sont moindres que le shirk. رابعا إثبات الكلام لله عز وجل على ما يليق بجلاله. Le point numéro 4, on a comme bienfait dans ce hadith, comme point important dans ce hadith, qu'on peut affirmer la parole à Allah subhanahu wa ta'ala, ça fait partie de ses attributs. Et que Allah subhanahu wa ta'ala, il parle, il a la parole comme attribut, comme cela lui convient, une parole qui convient à sa majesté, à sa majestuosité. Le point numéro 5, خامساً بيان لمعنى لا إله إلا الله وأنه ترك الشرك قليله وكثيره ولا يكفي قولها باللسان. C'est-à-dire que on voit ici la clarification de la signification de la ilaha illallah, et que ça signifie rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Ça signifie d'abandonner le shirk, que ce soit petit ou grand. C'est-à-dire peu importe la quantité de shirk, que ce soit une grande quantité ou une petite quantité. et que ce n'est pas suffisant de le dire uniquement par la langue, il faut la dire par la langue et y croire dans le cœur et l'appliquer dans nos actions également. Et sadisan isbatul ba's wal hisab wal jaza. Sixième point, d'affirmer qu'il y a une résurrection, un jugement et une rétribution au jour de la résurrection. Donc ça, c'est les points qui sont mentionnés par rapport à ce hadith. Et donc, on vient de conclure le deuxième chapitre dans Kitab al-Tawhid. Maintenant, on va commencer maintenant à expliquer le troisième chapitre. C'est « Babun man haqqaqa al-Tawhid dakhala al-Jannah bighayri hisab » C'est-à-dire, celui qui a réalisé le sens complet du tawhid, qui a réalisé son tawhid, qui l'a parfait, il entrera dans le paradis sans jugement, sans avoir de compte à rendre. Et donc, pour expliquer ce chapitre, le cheikh il mentionne des versets et des hadiths également. Donc, on va lire ensemble les hadiths, les versets et les hadiths dans ce chapitre. قول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. Donc c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne que Ibrahim alayhi salam était un modèle d'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il était hanifan. Qu'il était un hanif, c'est-à-dire qu'il était quelqu'un qui était penché vers le tawhid et qui s'écartait du shirk, et qu'il n'était pas du nombre des associateurs, des mushrikines, des gens qui font le shirk. Ça, c'est le verset 120 dans Surat al-Nahl. Et il mentionne également le verset 59 dans Surat al-Mu'minun, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit وَقَالْ وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ, c'est-à-dire ceux qui avec leur Seigneur ne commettent pas de shirk. Ils n'associent rien dans leur adoration avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, en premier, le Cheikh il dit Munasabatul Bab li Kitab al-Tawhid. C'est-à-dire, que représente ce chapitre par rapport au livre du Tawhid? Pourquoi il a été placé à cet endroit-là? Et pourquoi il est dans le livre? Le Cheikh explique, il dit إن المصنف رحمه الله لما ذكر التوحيد وفضله ناسب أن يذكر بيان تحقيقه لأنه لا يحصل كمال فضله إلا بكمال تحقيقه حقق التوحيد أي خلصه وصفاه من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. Donc le cheikh explique que étant donné que l'auteur l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab a mentionné le tawhid et a mentionné le mérite du tawhid, maintenant il est convenable pour lui de mentionner la réalisation complète du tawhid, qu'est-ce que ça implique et qu'est-ce que ça signifie, parce que on ne peut pas avoir le mérite complet du tawhid excepté en appliquant complètement et en le réalisant complètement et en comprenant qu'est-ce que ça signifie et en l'appliquant dans son sens complet. Et qu'est-ce que ça veut dire, hein, quand on dit haqqaqa at-tawhid, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire de comprendre le tawhid dans toute sa pureté, hein, et dans sa forme pure qui est exempte de toute forme de shirk, de bid'a et de péché, hein, parce que il y a le minimum obligatoire du tawhid, hein, c'est-à-dire de s'écarter de toute forme de shirk akbar. Et ça, c'est le minimum que celui qui rencontre Allah subhanahu wa ta'ala avec ça, il est au moins, même s'il va en enfer, il est certain qu'il ne va pas rester éternellement en enfer, qu'il va un jour ou l'autre, inshallah, rentrer au paradis. Toutefois, ça c'est le minimum du tawhid. Mais quelqu'un peut avoir un tawhid plus complet que ça, hein. Il peut rajouter à ce tawhid qu'est-ce qui est, disons, obligatoire et qu'est-ce qui est recommandé aussi. Hein? Comme par exemple, si il, en plus de s'être écarté du shirk akbar, il s'est écarté de toutes les formes de shirk mineur, shirk asrar, et il s'est écarté aussi des kaba'ir hein, et des sara'ir, et en plus il s'est écarté des bid'ah. Hein? Donc plus il parfait son tawhid, plus son tawhid est complet. Et plus son tawhid est complet, s'il a un tawhid qui est exempt de toutes ces choses qui viennent, même si ça ne vient pas nécessairement détruire le tawhid, comme par exemple le shirk majeur, ça détruit complètement le tawhid. Mais les autres choses, même si ça ne le détruit pas, ça peut quand même le diminuer dans sa pureté et dans sa force. Comme le shirk asrar par exemple, ça diminue la pureté et la force du tawhid, et de même que les bid'ah, hein, ça diminue le tawhid, et de même que les péchés qu'on commet, ça diminue la valeur et la force de ce tawhid. Donc ça, c'est important de le comprendre. Et le cheikh explique, il dit donc donc ici il explique dans le titre Allah subhanahu wa ta'ala, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit bighayri hisab, yani دخل الجنة بغير حساب أي بلا محاسبة عليه. C'est-à-dire celui qui a réalisé complètement le sens du tawhid, il entrera au paradis sans avoir de compte à rendre. Et il dit ensuite, donc il mentionne le premier verset qui est mentionné, وقول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة أي قدوة وإماما معلما للخير. Donc umma ici dans ce verset, ça signifie qudwa, c'est-à-dire un modèle, un exemple à suivre, et un imam, c'est-à-dire un guide dans l'enseignement du bien. Donc Ibrahim, le prophète Abraham, c'était un guide et un modèle et un exemple à suivre, un guide dans, et un imam dans l'enseignement du bien. Qanitan al-qunut dawam al-ta'ah. Qanitan, ça vient de al-qunut ou al-qanut. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire de rester dans l'obéissance continuellement, de rester perpétuellement et continuellement dans l'obéissance. Donc c'est d'être obéissant. Qanit. Quelqu'un qui est qanit, c'est quelqu'un qui est obéissant, mais qui est perpétuellement dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est comme ça que Allah subhanahu wa ta'ala décrit Ibrahim en disant qu'il était une umma, c'est-à-dire qu'il était un modèle qui était continuellement dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, et hanifan, le cheikh il dit al-hanif al-muqbilu ala Allah al-mu'ridu an kulli ma siwah. Donc, Al-Hanif, c'est défini ici par le Cheikh en disant que c'est celui qui se tourne vers Allah subhanahu wa ta'ala et qui se détourne de tout ce qui est en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, il dit وَلَمْ يَكُ أَصْلُهَا يَكُنْ حُذِفَتْ النُّونْ تَخْفِيفًا. Donc, à la base, c'est لَمْ يَكُنْ. À la base, c'était لَمْ يَكُنْ, mais à cause du لَمْ qui est devant, لَمْ, la négation, on enlève le noun. On enlève le noun pour le rendre plus léger. Walam yakun, walam yaku. Donc on dit walam yaku min al mushrikin. On dit pas walam yakun min al mushrikin. Et min al mushrikin, ay qad faraq al mushrikin bil qalb wal lisan wal badan wa akthar ma yakunu alayhi. Wa ankar ma yakunu alayhi. أي قد فارق المشركين بالقلب واللسان والبدن وأنكر ما كانوا عليه. Donc, il n'était pas du nombre des mushrikin. Ça implique pas seulement qu'il était pas parmi eux ou qu'il ne fait pas partie de leur nombre. Ça implique également qu'il s'est séparé d'eux complètement par son cœur, par sa langue et physiquement également par son corps. Il s'est éloigné d'eux. Et il a dénoncé ce qu'ils faisaient et ce sur quoi ils étaient. Donc ça implique tout ça. ça implique qu'il s'est désavoué d'eux complètement. وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ. Ça c'est dans l'autre verset, le verset 59 dans Sourate Al-Mu'minun. Hein? Le Cheikh il dit, et ceux qui, pour leur, avec leur Seigneur, n'ont rien associé. Hein? Ça c'est la description des croyants, des vrais croyants. المعنى الإجمالي للآية الأولى أن الله سبحانه وتعالى يصف خليله إبراهيم بأربع صفات. الصفة الأولى أنه كان قدوة في الخير لتكميله مقام الصبر واليقين، واللذين بهما تنال الإمامة في الدين. الصفة الثانية أنه كان خاشعا مطيعا مداوما على عبادة الله تعالى. الصفة الثالثة أنه كان معرضا عن الشرك مقبلا على الله تعالى. الصفة الرابعة بعده عن الشرك ومفارقته للمشركين. Donc le Cheikh explique ici les quatre caractéristiques. La première caractéristique d'Abraham qui sont mentionnées dans ce verset, c'est qu'il était un modèle dans le bien, un exemple dans le bien, parce qu'il avait complété les niveaux de la patience et de la certitude en Allah subhanahu wa ta'ala, la conviction profonde. Et ce sont les deux caractéristiques par lesquelles quelqu'un atteint le niveau de guide dans la religion. D'exemple dans la religion, de modèle dans la religion. Hein? Et ça c'est expliqué par le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُقِنُونَ. Donc on a fait d'eux des guides lorsqu'ils ont été patients et qu'ils ont eu le yaqin, la conviction en nos signes. Hein? Donc, ce sont les deux caractéristiques importantes par rapport à ça. Deuxième point, الصفات الثانية أنه كان خاشعا. Donc, il était humble et obéissant et il était perpétuellement dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est la deuxième caractéristique d'Ibrahim dans ce verset. La quatrième caractéristique, c'est qu'il s'écartait du shirk et il se tournait uniquement vers Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Et quatrième caractéristique, qu'il s'écartait du shirk et qu'il s'écartait également et se séparait des mushrikines. Il ne restait pas avec les mushrikines. Ça, ce sont les quatre caractéristiques mentionnées. Munasabatul ayatul al-ayatul ula lil-bab. C'est-à-dire, quel est le... يعني للين de ce verset par rapport à ce chapitre. انه وصف خليله بهذه الصفات التي هي الغايه في تحقيق التوحيد وقد امرنا بالاقتداء به في قوله قد كانت لكم امه قد كانت لكم اسوه حسنه في ابراهيم والذين معه. يعني الشيخ explique que la raison pour laquelle on mentionne ce hadith et quel est le lien qu'il a avec ce chapitre. Ce verset dans le Coran, quel est le lien qu'il a avec ce chapitre? C'est que Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, il décrit son ami Al-Khalil, celui qu'on appelle Khalilullah, l'ami d'Allah subhanahu wa ta'ala, Ibrahim, par ses caractéristiques. Et ces caractéristiques-là sont des buts dans la des objectifs, et c'est, disons que c'est l'ultime degré que quelqu'un peut atteindre dans la réalisation du tawhid. Donc c'est, on peut dire que, disons que c'est la perfection, l'exemple de perfectionnement du tawhid. Ibrahim, il était un modèle dans la perfectionnement du tawhid, et on a été ordonné par Allah subhanahu wa ta'ala de suivre l'exemple d'Ibrahim à ce sujet-là, comme par exemple dans le verset 4 dans Sourate Al-Mumtahana, Allah subhanahu wa ta'ala il dit, il y a certes pour vous un modèle, un bon modèle, un bon exemple à suivre en Abraham et ceux qui ont été avec lui, ceux qui étaient avec lui. Donc ça c'est vous montrer le fait que Ibrahim alayhi salam, il a réalisé le perfectionnement du tawhid et que c'est un modèle à suivre dans ce domaine pour nous. Munasabatul ayat al-thaniya lil-bab. Donc le deuxième verset, et quel rapport a-t-il avec le chapitre? Le Cheikh il dit أن الله تعالى وصف المؤمنين السابقين إلى الجنات بصفات أعظمها الثناء عليهم بأنهم بربهم لا يشركون شيئا من الشرك لا خفيا ولا جليا ومن كان كذلك فقد بلغ من تحقيق التوحيد والنهاية في ومن كان كذلك فقد بلغ من تحقيق التوحيد النهاية ودخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. Donc le cheikh explique que le deuxième verset, verset 59 dans sourate Al-Mu'minun, il est mentionné dans ce chapitre par rapport au fait que dans ce verset Allah subhanahu wa ta'ala décrit les croyants qui ont précédé les autres dans le paradis, et il mentionne parmi ces caractéristiques là parmi les plus grandes éloges qui sont mentionnés à leur sujet, c'est qu'ils ne font pas de shirk avec leur Seigneur. Et quand on dit qu'ils ne font pas de shirk, c'est-à-dire qu'ils n'associent rien du tout avec Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit dans les formes de shirk qui sont cachées ou qui sont apparentes. Donc ils ne font aucune forme de shirk. Et celui qui a atteint ce degré-là, il a atteint la limite dans le degré de du perfectionnement du tawhid, et donc il entre dans le paradis sans jugement, sans avoir de compte à rendre et sans châtiment. Et ensuite il dit donc ensuite le cheikh il explique les bienfaits qui sont reliés ou rattachés à ces deux versets là. Il dit ma yustafadu min al ayatayn awwalan fadilatu abina ibrahim alayhi salatu wassalam. Donc, premièrement, c'est le mérite de notre père Ibrahim alayhi salam. Deuxièmement, ثانياً الاقتداء به في هذه الصفات العظيمة. Donc, le fait de le prendre comme modèle et de le suivre dans ses grandes caractéristiques. ثالثاً بيان الصفات التي يتم بها تحقيق التوحيد. Troisièmement, la clarification et l'explication des caractéristiques par lesquelles notre tawhid sera réalisé et complet. Rabi'an, wujub al-ibti'ad 'an ash-shirk wal-mushrikin wal-bara'at min al-mushrikin. L'obligation de s'écarter du shirk et des mushrikin et de se désavouer des mushrikin. Khamisan, wasf al-mu'minin bi tahqiq at-tawhid. Cinquièmement, de décrire les croyants comme étant ceux qui ont la description des mu'minin dans le verset qu'on a mentionné, le deuxième verset, du fait que ces croyants, les vrais croyants sont ceux qui ont réalisé le tawhid dans sa perfection. Donc ça vient conclure donc l'explication ou la clarification de qu'est-ce qui est relié à ces deux premiers versets dans ce chapitre. Et nous on va s'arrêter ici pour aujourd'hui inshallah, et on continuera l'explication de ce qui suit, c'est-à-dire le hadith qui est rapporté selon Hussein ibn Abdurrahman lorsqu'il mentionne qu'il était avec Saïd ibn Jubayr, et il y a la mention dans ce hadith de plusieurs détails et de plusieurs points qui sont très importants. Donc on va laisser ça pour le prochain cours inshallah, la semaine prochaine, et puis on s'arrête donc aujourd'hui à ce point là. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahu wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant أستغفرك وأتوب إليه.